à tous ceux qui m'écartent. What a guan bad boy. check my low, man. J'ai mal à gorge. Ouais, check it out. J'écris comme Bic, j'suis unique comme l'essence. C'est clair comme Glock, j'suis pas black comme Deck. J'suis métisse comme la mère de Malcolm X. Ça comme la science des 3X, la science, la jouissance. J'lis plus que Bruce, silence. Peace Bruni sur un laïcien plein de puissance. Qui course, bonne chance, bonne course. Pépice à l'académie d'arts martiaux de Jean Ruel. Qui pratique les tactiques du Wing Chun à Yo, chill. Yo, what's up, man? M'envoie un gros beat, man. Yo, check it out. Yo, comment ça va? La dose de drogue me drogue. J'sens la dose qui me dose. Pure hip-hop de CSV sans pause. Pis si tu veux savoir le score, Mandalora, tu verras. Ma dope est mieux classée que les petites annonces. Sans j'annonce, j't'annonce qu'avec moi, t'attends pas comme à l'urgence. Distribue plus de stock aux consommateurs que chaque vente radio. Fait que yo, si tu veux, hear yo. Moi, j'chill yo. Man, j'ai packé ma toune d'explosifs nocifs. Mais j'suis pas raciste, mais j'persiste comme Spider-Man. Avec un plus gros Batman, pas Catwoman, viens en chercher Batman. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy, mais pas pour longtemps, parce qu'après tu deviens un toy. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy, mais pas pour longtemps, parce qu'après tu deviens un toy. T'as le maximum respect pour le maximum bad boy, mais pas pour longtemps, parce qu'après tu deviens un toy. Excusez-moi, je me réveille. J'hallucinais, je dormais dans le premier verset, je rêvais que j'étais une star. Mobile comme une auto, chasse fort. Mais j'suis encore dans mon quartier, comme le pont à Jacques, avec un gros nom de plat. Parce que le dernier deal a mal tourné, comme la coupe de la mort sur le pont Jacques, quartier, pis un poulon m'a presque freezé. Pour 2,32, ben silencieux, le douche, mais t'es chanceux. J'ai vidé ma clip, mais j'l'ai manqué. J'ai corrigé, je sais que le business dure pas pour la vie. C'est pas une vie, tôt ou tard, faut que tu payes le prix. Mais ça me rend puissant, j'fais de l'argent, pis j'ai un coup que j'commande comme un commandant, pis des figues. Tout le temps, pourtant, en dedans, je le sais qu'il est temps que je parte. Ma rousse dans ta barre, avec je m'écarte la map. Des armes à feu, elle me dit que ça sent bien trop dangereux. Mais je viens de faire 20 000 comptants pour une caisse de 145 en argent, je content. Autant d'argent qu'on t'en fait oublier. Madame qui a peur, ma mère qui pleure, pis ceux qui meurent. T'as le maximum respect pour les maximum bad boys, mais pas pour longtemps, parce qu'après tu deviens un toy. T'as le maximum respect pour les maximum bad boys, mais pas pour longtemps, parce qu'après tu deviens un toy. T'as le maximum respect pour les maximum bad boys, mais pas pour longtemps, parce qu'après tu deviens un toy. T'as le maximum respect pour les maximum bad boys, mais pas pour longtemps, parce qu'après tu deviens un toy. Ça t'écœure, ça m'écœure, pop, ha, je rock comme belles oreilles. Bonjour la police. Entre les deux oreilles, hey, je sens qu'il n'y a plus rien pareil. Ah, je suis dans un boss New York Montréal. Chill, je me réveille. Je suis allé chercher d'autres petites merveilles avec une petite merveille. Qu'après 6-7 heures de boss, vont changer en cash. Oups, les douanes, le boss c'est pas char, j'ignore encore mon sort. Les douaniers fouillant dans dehors, trouvent rien, je suis ben trop fort. Arrive au terminus, Berry, je souris ben trop fort. Mais personne n'est là, bizarre. J'sors dehors, pogne mes bagages, gages qui sont en retard. Puis j'vois deux Chrysler qui se parquent de nulle part. Trois cops, ben trop fort, ma pogne, corps à corps. Mettre des menottes, taber mon costard. Me trouve en dedans pour 7 ans. Après 2 ans que les écœurants me checkaient, no joke, comment c'est les. Ma première journée de pénitentiaire, j'suis fait cogner. La deuxième piqué pour m'assurer une stabilité. La troisième, ils m'ont massacré à 10 piqués. 60 fois tué, le monde m'ont vite oublié. D'autres m'ont déjà remplacé comme si j'avais jamais existé. Aujourd'hui, j'ai beau crier, mais personne m'entend parler.